Numéro 35. Que nous recommandez-vous? おすすめは何ですか? Quel est le plat du jour? 日替わりメニューは何ですか? L'assiette. お皿 Le verre. グラス La tasse. コップ La tasse à café. コーヒーカップ Le bol. ボール 茶碗 La cuillère. スプーン Le couteau ナイフ La fourchette フォーク Les baguettes お箸 Je ne sais pas manger avec des baguettes お箸で食べることはできません